Chapitre 6 Joueur de foot 2.0. C'est une bonne occasion pour certains joueurs de se démarquer et se faire remarquer par une grande écurie asiatique. Le profil français était assez apprécié lors des années 2030, mais depuis la virtualisation des centres de formation, c'est un peu moins le cas. Les écoles de football habituent les joueurs à pouvoir jouer à tous les postes. La polyvalence est le maître mot des nouveaux footballeurs. Officiellement, ce mot d'ordre est fait pour établir de vrais soldats complets. Officieusement, c'est fait pour faciliter les votes SMS lors des matchs. De plus, les joueurs sont quasi anonymes. Leur nom est un alias de leur compte Twitter. Exit les Zinedine Zidane, bonjour les Ch'ti Boys 69. Le scrutin a débuté pour désigner les 16 joueurs français qui iront en Asie pour le Mondial 2050. Au départ, tous les joueurs ayant une licence à la FFF sont en lice. Les 16 joueurs qui auront le plus de voix seront invités sur la première chaîne française, France Télévisions 1, pour un prime exceptionnel durant lequel on les présentera. Les votes débutent. Pendant un mois, les Français ont dû voter pour désigner qui ira représenter le football tricolore dans une compétition qu'ils n'ont plus connue depuis 36 ans. C'est une décision prise très au sérieux par la population française. Certains fans du Qatar, de l'Inde, se sont intéressés à l'engouement populaire que retrouve la France. On n'avait plus vu ça, niveau ballon rond, depuis l'Euro 2016 organisé dans l'Hexagone. Les anciens ressortent leurs maillots de Zidane, Henri ou encore Ribéry. Être fan de l'équipe de France n'est plus une honte, comme ça a pu l'être depuis les derniers fiascos. Même si tout le monde sait que la qualification était chanceuse, on veut croire aux chances des Bleus. Surtout que la liste va être dévoilée demain, en direct, en prime time, sur France Télévisions 1. Chapitre 7 16 pseudos pour un objectif. La FFF a donné l'occasion à tous les inscrits des clubs français d'avoir une chance d'aller au Mondial. Malheureusement, cela ne s'est pas joué sur les capacités footballistiques, mais sur la popularité des joueurs. C'est le football d'aujourd'hui qui veut ça. Sans plus attendre, le présentateur TV se connecte aux 5 pôles géographiques français pour donner les 16 noms. Le Nord, tout d'abord, secteur où le football a quelque peu coulé. Les grandes équipes, qui étaient jadis dans la défunte Ligue 1, ont déposé le bilan et ont dû chercher des partenariats avec des clubs locaux. Le LOSC est devenu le Métropole Lilloise Club, en partenariat avec l'ensemble des villes des environs lillois. Valenciennes est resté le VAFC, mais a perdu 8 divisions. Le Racing Club de Lens a tenté de devenir le Louvre FC, avec les villes de ses alentours, mais sans trop de succès. Le club qui a réussi est l'Olympique de Saint-Quentin. C'est justement ce club picard qui voit le premier joueur sélectionné en bleu. Il s'agit de pour gagner 0-2. Il est le premier convoqué pour le Qatar. Connectons-nous à l'ouest où Nantes et Rennes ont su rester en haut de l'affiche. Les deux sont toujours rivaux en première division, mais les matchs sont beaucoup moins enthousiasmants qu'à l'époque. De toute façon, les rivalités vont devoir être oubliées pour deux joueurs, car ils vont devoir cohabiter lors du Mondial 2050. Moon Forever et Eric BH sont rejoints par le joueur de Laval, Deal 48, et composeront le noyau de l'Ouest chez les Bleus. Le dernier invité vient se greffer à la sélection. Joueur de Limoges, versé in extremis à l'Ouest et non dans le Sud, Benoît portera le maillot bleu. Paris a perdu son PSG, mais a su garder son âme. La capitale est toujours restée une attraction pour les touristes, mais ceci n'est pas pour aller voir du football. Ils sont loin les Zlatan, les Thiago Silva. Le Paris FL Club joue ses matchs dans un stade de campagne le dimanche. Le PEC sort tout de même deux internationaux, Wolf 75 et Coca. Coca, c'est Oka. Comme évoqué plus tôt, le football masculin à Lyon est presque sous terre. Mais c'est sans compter sur Nabir 69 et Le Chapeau, deux prodiges convoités par l'Asie qui ont préféré rester dans la capitale des Gaules. Bon choix, puisque les deux Gaunes vont aller au Mondial. Ils seront accompagnés par Delpino 50, joueur de Salanche, et de Blanc Bague, évoluant à Saint-Julien-Molin-Molette. Le Sud est allé chercher ses plus grands talents. En effet, Marseille va envoyer Fightson. Montpellier sera représenté par Ritty 34-02, Killer Crush 23 portera haut les couleurs de Toulouse, et enfin, Grid 71 sera le niçois de la bande. Nous en sommes à 15 joueurs et les 5 pôles ont été sollicités. La France va-t-elle convoquer un joueur de moins? Non. Le présentateur se connecte avec un certain Zumbinda qui porte un t-shirt La Corse avec les Bleus. L'île de Beauté sera aussi de la partie avec le footballeur Bastier. Le bilan des pôles montre un bon dispatch. Les top pôles sont l'Ouest, l'Est et le Sud, avec chacun 4 représentants. L'Île-de-France enverra 2 franciliens, alors que le Nord et la Corse auront chacun un seul porte-drapeau. L'équipe de France est enfin au complet et peut préparer son mondial. Prochain rendez-vous, rassemblement à Clairefontaine. Le centre de football renaît de ses cendres et rouvre ses portes 30 ans après. Un nouveau signe du retour du phénix français. Autre constatation. L'émission des sélections a attiré un bon panel de téléspectateurs. Le football français revit. Chapitre 8. Un nouvel élan. Les joueurs sont venus avec leurs propres moyens, train, bus, voiture, et ils ont l'air hyper motivés. Leurs parents ont sûrement conté les histoires de Zizou, de Platini. Et si 2050 était l'année des Bleus? En tout cas, l'objectif est clair. Tenir la jambe des surpayés internationaux, qataris et russes. En sont-ils capables? L'avenir nous le dira. Mais attention, la compétition va commencer dans un mois et les joueurs ne se connaissent pas. La FFF a tenté d'inviter des sélections nationales à Clairefontaine pour faire des matchs tests. Mais la France étant devenue ringarde, les refus furent nombreux. Il faut savoir que pour avoir un match contre le Japon, par exemple, il faut s'y prendre 6 ans en avance, avancer des garanties financières, et une sélection comme le Japon ne se déplace jamais. Selon le gabarit de l'adversaire, la nation ouvre les portes d'un stade minuscule, moyen ou gigantesque. Ici, les Bleus ne pensaient pas à avoir à préparer le mondial et n'a pu inviter que des nations minimes. Les rencontres à l'entraînement se résument à des 8 contre 8, à des répétitions de phases de jeu, des actions de tir au but américain. Les matchs amicaux deviennent alors obligatoires. L'Italie a refusé, l'Allemagne a refusé, le Portugal a refusé, les Pays-Bas ont refusé, même la principauté d'Andorre avait autre chose à faire. La seule nation qui va pouvoir venir est la Belgique. Les Diables Rouges sont attendus le lendemain à Clairefontaine, mais une terrible rumeur circule sur le net. Oui, il se pourrait que les Bleus ne puissent pas faire de match de préparation contre la Belgique. Pourquoi? Il semblerait que la Russie ait proposé la même chose hier aux Diables Rouges pour une somme astronomique. La guerre des nerfs commence et tous les coups semblent permis pour les adversaires de la France. Les coqs font-ils peur? En tout cas, la Russie continue de maintenir son image malsaine. Le pire pourrait arriver puisque le second adversaire des Bleus au Mondial est le Qatar, l'organisateur de la poule. Chapitre 9. Combiné pro et foot. À 15 jours du grand départ, les Bleus n'ont pas encore joué ensemble à 11. C'est donc sans armes que la France va aller défier les champions du monde en titre et le dernier finaliste. C'est mission impossible pour les Bleus. Autour de ces deux grands titans, la France ne peut pas faire dans l'amateurisme. Il faut un minimum de préparation, d'automatisme. Autre contrainte, les joueurs ne sont pas rémunérés et sont obligés de travailler la semaine pour payer leur loyer. Les emplois du temps des footballeurs sont de plus en plus chargés, surtout pour ceux travaillant pour Izmash, société automobile russe. Justement, ces 4 salariés vont devoir démissionner pour pouvoir s'absenter durant le mondial, leur congé ayant été refusé. Les autres vont devoir avoir un congé sans solde pour aller représenter la France en Asie. Leur seul revenu dépendra de l'argent amassé en Asie. Il faudra aller gagner de l'argent, sinon le retour en France va être difficile. Les joueurs sont partagés entre motivation et démotivation. Avec aucun bagage collectif, face à des monstres, sans revenus, pourquoi ne pas abandonner tout de suite? Et pourquoi ne pas continuer et tenter de faire un exploit? Quand les Bleus affrontaient l'Azerbaïdjan en 1995, auraient-ils imaginé un jour être au même niveau que les Azéris de l'époque? Quand les amoureux du ballon rond regardaient les épopées en Coupe de France de Calais, Quevilly aurait-il imaginé qu'un jour leur sélection nationale allait être composée de ces mêmes ouvriers, avec la même passion pour le football, mais avec le sport comme loisir et non comme métier? Quand les amoureux du ballon rond voyaient certains Bleus se comportant comme des starlettes, qui aurait imaginé que les héros bleus allaient être, des années plus tard, de simples ouvriers? C'est là la grande motivation et la grande particularité de l'aventure du Mondial 2050. Chapitre 10. Un show spectaculaire. Les Bleus sont arrivés au Qatar jeudi et assistent à la cérémonie d'ouverture de ce 30e Mondial. Dans un stade monumental, ils se sentent minuscules. En effet, l'enceinte accueille son maximum de spectateurs, alors qu'il n'y aura pas de match, juste une grande fête. 300 000 spectateurs en tribune, du jamais vu. Si l'on ajoute à cela le même nombre dans les trois autres stades, en Inde, Japon et Chine, 1 200 000 spectateurs verront un énorme show, en direct et en vrai. Le mot « vrai » est entre guillemets, car sous l'ère e-sport, presque rien n'est vrai. Mais cela n'est pas pour déplaire au public. Une représentation géante des 12 nations est diffusée sur les écrans du stade, mais également en représentation holographique sur le terrain. Comment ne pas parler du légendaire Brésil, des grandes heures françaises, de l'ère espagnole et plus récemment, les titres japonais, chinois et qatari. Sont alors diffusés les meilleurs moments du Mondial 2048 avec le sacre final du Qatar. La eSports Fédération a vite balayé l'époque MIFA et se contente sur son propre chef-d'œuvre. Cependant, ils ne peuvent pas cracher sur le rétro et pour rendre hommage, une chose énorme va se dérouler sous les yeux des amoureux du football. L'écran présente en détail les 11 titulaires uruguayens lors de la finale de 1930 face à l'Argentine. Puis, peu à peu, un avatar de chacun d'eux apparaît sur la pelouse. Les 11 premiers élus seront confrontés à une équipe de légende. Le gardien de ce 11 est Lev Yashin, gardien de but russe, premier gardien, et seul pendant très longtemps, à avoir obtenu le ballon d'or. La défense sera composée du Brésilien, Cafu, du Britannique, Bobby Moore, de l'Allemand, Franz Beckenbauer et de l'Italien Paolo Maldini. Un milieu de terrain avec le Hollandais Johan Cruyff, l'Argentino-Espagnol Alfredo Di Stefano, le Français Zinedine Zidane et l'Argentin Diego Maradona. Une attaque de rêve composée du Brésilien Pelé et de l'Argentin Lionel Messi. Beaucoup d'observateurs ont déploré la présence de Messi et surtout l'absence de Cristiano Ronaldo. Mais encore une fois, tout n'est qu'une question d'intérêt. Durant les années 2020, Ronaldo a tellement tourné le dos aux jeux vidéo MIFA, sponsorisés par EA Sports. Une trahison que n'a pas digérée la nouvelle grande chef du football mondial. Aujourd'hui âgé de 65 ans, le Portugais doit être quelque peu déçu de ne pas faire partie de ce moment de légende. On pourra dire qu'il a fallu attendre 2050 pour voir une action pareille. Zidane dribble Alvaro Gestido, puis fait une passe à Maradona. L'Argentin lance Pelé en profondeur, qui crochette Enrique Balestro, pour mettre la balle au fond des filets, mieux qu'en 1970 où il avait visé à côté des cages. Deuxième action légendaire, Paolo Maldini cherche du monde devant. Il trouve Lionel Messi, le lutin balance un ballon en hauteur, repris de la tête par Diego Maradona. El Pibre de Oro marque son but. Mais l'arbitre arrête le match et refuse ce goal, car Diego avait touché le ballon de la main. Trop tard? Cela n'effacera pas la main de Dieu en 1986. Juste avant la fin de la rencontre, l'arbitre siffle un pénalty pour la 11 de légende. C'est Johan Cruyff qui s'en charge, et comme il l'a si bien fait en 1992, il le joue en deux temps avec Zinedine Zidane, qui frappe façon Panenka, comme en finale du Mondial 2006. C'est un vrai film retraçant l'histoire du football qui a ouvert ce 30e Mondial, la Coupe du Monde 2050, celui qui enverra ses finalistes sur Mars.